À l'occasion du 19e anniversaire de la promotion du général Kim Jong-il au poste de secrétaire général du Parti du Travail de Corée et du 71e anniversaire de la fondation du glorieux Parti du Travail de Corée, un rassemblement des ouvriers et des syndiqués a eu lieu le 5 courant à la Maison de la Culture du complexe de locomotives électriques Kim Jong-tae. Y ont pris part les cadres intéressés et les syndicalistes.